Calcembord. Au menu, une émission bourrée de découvertes et de nouveautés issues autant de la scène locale qu'internationale. En passant du rock garage à l'électro-expérimental, avec le boulimique de musique, vous allez y goûter. Le Divan Orange est en péril et a besoin de votre secours. Soutenez avec nous la scène locale. Vous pouvez faire un don pour la campagne de sociofinancement du Divan Orange dès maintenant en visitant ledivanorange.org. Vous poserez ainsi un acte concret pour l'amélioration des conditions sonores du Divan Orange et assurer sa pérennité dans tout le réseau culturel. Rejoignez-nous sur divanorange.org et faites circuler l'information. Merci. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Bonsoir à tous. En ce lundi 22 décembre, vous écoutez l'émission Le Terminus. Je m'appelle Jean-François Lusinier. On est ensemble pour une heure de rock indépendant. Ce soir, émission spéciale Top 2014, mais en fait, pas vraiment un top. J'ai choisi des pigés dans ce que j'ai aimé et qui est sorti cette année, donc c'est pas vraiment organisé en position vraiment. Enfin, vous allez entendre dans les prochaines minutes, donc les 60 prochaines minutes, je l'ai déjà dit, 11 chansons anglophones et 5 francophones, donc 16 au total. Et j'ai remarqué ça tout à l'heure en préparant les disques. Bien, il y en a certains de ces groupes-là qui se retrouvent également dans le top 50 de CISM, top franco et anglo. Donc, on voit que ça se connecte quelque part en CISM et le Terminus. Ça ne fait qu'un. La liste des chansons, elle sera disponible à la fin sur le CISM893.ca. On débute avec un groupe canadien. En fait, ils sont de Halifax, pour être plus précis. Ils s'appellent Kestrels. Ils travaillent actuellement sur la suite de leur dernier album qui est paru en 2012. Et pour rester un peu, nous garder en haleine, le Kestrels ont sorti en juillet dernier un EP, un mini-album intitulé « The Moon is Shining Our Way », duquel on écoute à l'instant la pièce titre. Destroy meanings. Kepler avec Scaphandre, le premier extrait très, très, très solide du premier album que le groupe de Québec sortait le mois dernier. Et c'était précédé de Total Slacker avec Keep the Ships at Bay. Le groupe de Brooklyn a fait apparaître, lui, cette année, un deuxième album qui marque quand même une belle évolution sonore pour le groupe, qui était beaucoup plus lo-fi par le passé. Un album aussi très, très ambitieux quand même, et tout en étant très ancré dans le rock des années 90, de la décennie 90, qui est décidément dans l'air du temps. Donc, ça complétait un segment qui était commencé par Kestrel's The Moon Is Shining Our Way. Donc, un premier trio très, très... très, très bon. On continue sur la même lancée maintenant avec trois groupes qui œuvrent dans le post-punk. On va commencer avec Mark Dice, qui lui fait de la pop inspirée du post-punk. Monsieur Dice est d'ailleurs passé à l'émission au début du mois de novembre et il nous expliquait comment il est arrivé à ce son-là. Eh bien, c'est arrivé en rencontrant un batteur de Détroit, donc un gars que je crois qu'il était de passage à Paris, et là ils ont parlé ensemble, ils ont échangé des maquettes à distance par la suite, et ça a donné le son de cet album qui s'appelle Nuit Noire, premier album également pour Mark Dice. On va entendre la chanson Fait d'hiver, et on entend toujours un premier spectacle à Montréal pour Mark Dice, peut-être en 2015, on ne sait pas. On va entendre donc, je l'ai dit, la chanson Fait d'hiver, ça a suivi des formations Lower et ensuite Eagles. Écoutez ça à l'instant sur CSM. C'est le meilleur de l'émission, le Terminus, qui se poursuit, le meilleur de la saison 2014, de l'année 2014. Voilà, j'y arrive. On écoute à l'instant Mark Dice. Liaison dangereuse au cinquième étage, au cinquième étage. On est parti, ça tombe bien moi aussi, ça tombe bien moi. Mon seul espoir, tout le monde est ok, je ne le suis jamais. Septembre, octobre, à nuage, tout est si laid. Hollow Visions de Eagles, tiré de leur album du même nom, Eagles, qui est sorti plus tôt cette année et qui faisait suite à une série de singles, d'extraits et de EP qu'ils avaient sortis auparavant. Et on peut dire que sur ce premier album complet, ben le groupe aura conservé ce qui fait son succès, sa recette, donc de l'énergie et en même temps un côté accrocheur. Ils auront beaucoup tourné, les Eagles, cette année. Ils avaient également, plutôt dans, je pense autour du moment où l'album est sorti, passé à l'émission de David Letterman. Donc ça a permis vraiment à beaucoup de personnes de les découvrir à ce moment-là. Ici à CISM, l'album s'est tissé en 29e position du top 50 anglophone. Quand même intéressant pour un genre assez niché qui tourne pas toujours, ben qui tourne quand même bien souvent à CISM, mais bon, bravo pour cette 29e position. C'était la chanson donc Hollow Visions. Juste avant, c'était encore du post-punk, cette fois-ci en provenance du Danemark, la formation Lauer. Eux sont avec leur premier album aussi qui est sorti cette année sur Matador, qui s'appelle Seek Warmer Climes. Un premier album qui a marqué de leur côté un passage un peu plus assagi, toujours aussi énergique, un peu plus expérimental, plus assagi, donc, mais excellent album. Si vous avez entendu la chanson Soft Option, donc, de la formation Lauer. On avait débuté le segment avec Mark Dice, Fait divers. On continue maintenant avec un autre magnifique album sorti en 2014, celui de Alex J, qui s'intitule DSU. On écoute la chanson After You're Gone. Ensuite, ce sera suivi d'Happiness avec It's On You. Et je vous rappelle que jusqu'à 20h, vous écoutez l'émission Le Terminus, le meilleur de 2014 dans l'indie rock et tout ce qui gravite autour. Jean-François Lusignan avec vous. Remember thought you were so right. You said I'm an anarchist, communist, feminist, phlebotomist. Yeah, right. I can't get away. What makes you think I'd want to anyway? Thank you. Boy Toy avec Runner tiré d'un premier EP qui est paru ce printemps, surprise sur Burger Records, quand même une étiquette qui est plus garage habituellement, mais qui accueille ce groupe de Brooklyn qui en fait paraître plus qu'une chanson. Je pense qu'il y avait une ou deux chansons jusqu'à maintenant. Maintenant, ils en ont 6-8, donc assez pour faire un spectacle. Et c'était précédé ça d'une autre très belle découverte de l'année 2014, l'album Weird Little Birthday de Happiness. C'était la chanson It's On You, mais en fait j'aurais pu choisir, il y avait des choix là à ne plus finir, là, vraiment très très très bon album qui nous provient d'une bande de gars de South London qui se disent inspirés par le college rock américain. Ça s'entend évidemment, on entendait par moments la musique de Wilco, ils ont plein d'autres influences, mais enfin un premier album très très réussi pour ce groupe Happiness. On va poursuivre maintenant avec des Écossais, ils s'appellent Twilight Sad, ils ont fait paraître cette année, un quatrième album, mais il me semble que c'est autour de septembre que c'est sorti. J'attendais depuis longtemps. On avait quelques extraits qui étaient parus dans les mois précédents, dont la chanson qu'on va entendre, Last January. Il y a mon plus grand regret, je l'ai déjà dit ici à l'émission, moi j'ai manqué leur dernier passage à Montréal, donc j'espère qu'il va revenir prochainement. L'album lui s'appelle Nobody Wants to Be Here and Nobody Wants to Leave. On écoute à l'instant Twilight Sad sur le CISM 89.3, le Terminus. Still going. D'entendre deux groupes qui se retrouvent dans le meilleur de 2014 de l'émission Le Terminus, mais également aussi dans le top 50 franco 2014 de la station. Il y avait là-dedans Jésus les filles avec Manteau de poil, leur album Le Grain d'or qui est excellent, loge en 14e position du palmarès. Et côté spectacle, Jésus les filles seront de la première édition du volet hivernal du Festival de musique émergente en Abitibi Témiscamingue, le FME, qui a lieu habituellement à la fin de l'été, mais là, cette année, il s'essaie de faire un volet hivernal. Ce sera du 29 au 31 janvier à Rouyn-Noranda. Il y a des groupes super intéressants qui seront là, entre autres, que Jésus les Filles, il y aura du Monogrenade, du Julien Sagot, du Heat, Elephant, Stone et Chocolat, donc un beau mélange d'artistes francophones et anglophones à ce festival. Donc, soyez-y ou rendez-vous-y si ces groupes vous intéressent. Il y avait aussi dans le dernier segment, enfin on vient tout juste d'entendre Crotchy, la chanson de Pony de leur premier album également, qui se retrouve lui en 20e position, donc du top franco de CISM, top 50 de l'année 2014. Je ne sais pas si c'était clair, enfin. On poursuit avec une autre position de ce palmarès, la 32e position, donc décidément, c'est Crabe avec Couteau d'Internet de leur album Antivague qui paraissait au début de l'année. On écoute ça à l'instant sur le Terminus. Let me begin. Make up! groupe de Brisbane en Australie, c'était Tape Off avec Different Order de leur album Chipper, qui est paru cette année, disponible sur le sonicmasalarecords.bandcamp.com. Et il s'agit d'un des très nombreux groupes qui nous parviennent maintenant en provenance d'Australie et qui font dans le rock très, très intéressant, digne d'intérêt à tout le moins. Juste avant, c'était Cloud Nothings avec l'album Here and Nowhere Else et la chanson No Tots, c'est ça. Et un album de Cloud Nothings qui a beaucoup fonctionné à CSM cette année, même qui sont rendus en position en numéro 6 du top 50 albums anglophones. Et ce que j'aurais retenu de Cloud Nothings cette année, ben, c'est qu'on avait prévu de faire une entrevue en direct juste avant leur spectacle au Il Motori, le défunt Il Motori qui est maintenant le Ritz, enfin. Et ben, ils sont jamais pointés à l'entrevue. Ils n'ont pas appelé, rien. Ben, ils ont fait leur spectacle quand même. Donc, je leur ai pardonné en raison du spectacle qu'ils ont donné, mais c'était pas très gentil de leur part de pas venir au rendez-vous. Le message est passé s'ils écoutent. Et bien, sinon, je vous invite à rester à l'écoute parce que dans quelques instants, ça sera Roman Blouin qui va être avec vous pour l'émission Nous sommes les rockers. Elles sont spéciales le top 2014. C'était la semaine dernière. Je crois que ce soir, ça sera un spécial de Noël. Donc, Nous sommes les rockers. Reste à l'écoute. La liste des chansons qui a tourné dans la dernière heure, donc, se retrouvera dans quelques minutes sur le CISM893.ca. Il y a également les archives de l'émission sur leterminus.ca. On va se quitter avec la musique de Clearance. Il nous reste quelques secondes. Et voilà, je m'appelle Jean-François Lusignan. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. On se reparle la semaine prochaine, 19h, pour une autre édition du Terminus. Au revoir. Ciao. Sois prêt à réveiller ton génie avec Lineo Duel, le tout nouveau jeu qui combine simplicité et stratégie. Prépare-toi à être plus futé que ton adversaire en récoltant davantage de pions que lui. Prévois ses coups et bloque-les si tu veux obtenir le titre de légende Lineo Duel. L'application Lineo Duel, qui a été pensée et produite à Montréal, est disponible gratuitement sur le App Store. Télécharge-la maintenant et visite le lineoduel.com. Pour oublier le passé et le futur, allonge-toi dans la fourrure. Écoute Dextro, Propogi, Finsmack, le dimanche à 22h sur CISM 89.3. Tiens, tu saignes encore un peu de l'oreille. Est-ce que t'as besoin d'un petit rayon de soleil pour partir ta journée, là? CISM. Sensuelle, ardente, sexy, alléchante. Oh boy! Attention. Bon, ça peut sembler rebutant comme ça. Avez-vous peur? CISM. Et allez, continuons. Est-ce que c'est le temps d'une petite météo? Ah oui, très petite. On jasera de ça ensemble. Oui, ça va être plate. Ben voyons donc, c'est impossible. C'est pas mal la seule station écoutable du Grand Montréal. CISM 89.3 FM. La marge. C'est dur à dire, la marge, hein? La marge. Yes! Dis-moi, Martin, où devrais-je aller pour savourer l'actualité internationale? Eh bien, Philippe, au monde dans tes oreilles, nous vous garantissons la fraîcheur de plus de 150 délices internationaux offerts en rotation et préparés tous les jours par nos animateurs devant vous. Une émission pour la famille et les amis offrant un menu international haut de gamme, inspiré des meilleures nouvelles provenant des quatre coins du monde. Et avec un choix de mets aussi varié de qualité, il est facile de combler tous les goûts et tous les appétits. Le monde dans tes oreilles, les jeudis de 7h à 9h sur les ondes de CISM La Marge. Yeah, salut tout le monde, c'est les vieux brochets, Fred, gros manique, tu écoutes CISM. Les turbotanements à CISM dans ta radio. Oh, oh, oh, oh.